La fibre de SFR débarque chez Madame J'y crois pas. La fibre de SFR à moins 60% cet été? Oh, j'y crois pas. Non. Mais vous êtes sûr? J'y crois pas. Non mais pensez-moi parce que... Ah ouais, c'est bon, je vous crois. Pendant le shopping d'été de SFR jusqu'au 3 août, profitez de 60% de réduction sur la fibre de SFR, soit 15€ par mois pendant un an, puis 38€. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire du carrefour du développement, le premier grand scandale politico-financier des années Mitterrand. Nous sommes en avril 1986, des dizaines de millions de francs d'argent public ont disparu. Fausses factures, financement occulte de partis politiques présumés, vrais faux passeports, avec pour toile de fond une association au nom étrange, le carrefour du développement. Cette histoire s'inscrit également pendant la première cohabitation de la Ve République. Entre coup bas et déclaration choc, la droite et la gauche s'affrontent sans mesurer au début l'impact de cette affaire sur l'opinion française, car elle discrédite durablement la classe politique et en particulier le Parti Socialiste qui entre dans son, qu'on appellera plus tard, l'affairisme rose. Les révélations entachent les deux camps, gauche et droite, surtout la gauche, puisqu'un ministre issu de ses rangs va se retrouver inculpé par la Haute Cour de justice, procédure rare dans l'histoire politique française. Pour en parler après le récit, nous recevrons en seconde partie Jean-Marie Ponto, journaliste qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'Express. Il a travaillé sur l'affaire du carrefour du développement, précisément, et a consacré deux ouvrages à cette histoire, notamment « Enquête sur un carrefour dangereux », en collaboration avec Jacques de Rogy, livre dans lequel il raconte comment il se retrouvait au plus près de l'enquête. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Léa Dupuyenka, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet, Alexandre Chenet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Si l'histoire du carrefour du développement éclate en avril 1986, elle prend racine en fait en juin 1983. Depuis 7 mois, Christian Nucci est ministre de la Coopération. Créé en 1959, ce ministère doit contribuer au développement des anciennes colonies. Maire de Beaurepaire, puis député de l'Isère, plein d'allants, Christian Nucci se lance avec vigueur dans sa fonction ministérielle. L'une de ses premières missions, sa feuille de route, c'est de redynamiser une revue dont dépend son ministère, Actuel Développement. Il crée alors une association, loi 1901, Carrefour du Développement, dont les objectifs sont aussi larges que flous. En somme, il s'agit de promouvoir des actions dans les pays du tiers-monde. Christian Nucci y place des personnes de confiance, Michel Bretanaquet à sa tête et Yves Chalier, son chef de cabinet, comme trésorier. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais tout bascule lorsque François Mitterrand décide d'organiser le 11e sommet franco-africain à Bujumbura, au Burundi. La mission est confiée à Christian Nucci. Date prévue pour l'événement, les 11 et 12 décembre 1984. 6 mois pour mettre en place un sommet international dans un petit pays qui ne possède pas la moindre infrastructure dimensionnée pour l'occasion, c'est un défi, voire un défi à l'impossible. Lorsque Yves Chalier rentre de ses repérages, il est catastrophé. Le budget alloué, 80 millions de francs tout de même, ne suffira pas. Les deux hommes décident alors de passer par l'association Carrefour du Développement. L'idée est simple, passer par-dessus les procédures administratives et via l'association émettre de fausses factures à travers des sociétés complices pour transformer des fonds officiels en argent liquide. Sauf qu'ils vont faire prospérer le système à grande échelle pour des dépenses beaucoup plus douteuses, on le verra, jusqu'à ce que les comptes de l'association affichent un trou de plus de 10 millions de francs. Tout aurait pu rester caché, réglé en coulisses, mais un tournant majeur va faire de cette histoire un scandale d'État. Le 17 mars 1986, la France de gauche se réveille avec la gueule de bois. La veille, les Français ont donné la majorité à la droite, à l'Assemblée nationale. François Mitterrand joue le jeu et nomme Jacques Chirac à Matignon. Le président conserve sa garde rapprochée à l'Élysée et observe la droite au pouvoir. Édouard Balladur arrive à l'économie, Charles Pasqua à l'intérieur, Albin Chalandon à la justice. Au ministère de la coopération, Jacques Chirac choisit Michel Aurillac, l'homme par qui le scandale va être dévoilé. Avril 86. À peine entré en fonction, Michel Aurillac reçoit un compte-rendu de la Cour des comptes à propos d'une association, le Carrefour du Développement. Elle a été dissoute en janvier 1986, mais elle a dépendu directement de son ministère sous la mandature précédente. À la lecture du rapport, Michel Aurillac se brûle les doigts. Cette association affiche un trou de plusieurs dizaines de millions de francs. Il décide de rendre l'information publique. Comme ministre, j'ai découvert un certain nombre d'irrégularités qui dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer au départ. La justice est un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif. Je ne fais pas de perquisition, je n'inculpe pas et je condamne encore moins. Je n'ai aucune joie à avoir manié un baril de fange, mais il faut que l'administration française sache qu'on ne fait pas impunément des manipulations de deniers publics. J'ai trouvé des choses tout à fait irrégulières. Il apparaît maintenant qu'elles sont délictueuses et peut-être même criminelles. Il appartient à la justice d'en tirer les conséquences. Mais tout de même, ça fait 35 ans que je sers l'État dans différentes fonctions, qu'elles soient nommées ou électives. C'est la première fois que je rencontre une affaire de cette importance. Une affaire de cette importance, effectivement. Michel Aurillac l'a bien compris. Voici plusieurs mois qu'il mène son enquête en coulisses pour essayer de comprendre et de mesurer l'ampleur de cette histoire. Et il va de surprise en surprise. Car au-delà des dépenses faramineuses du sommet de Burundi, de nombreuses transactions occultes sont passées par l'association Carrefour du Développement. Trois types de dépenses douteuses auraient eu lieu. Tout d'abord, pour la vie personnelle de son trésorier Yves Chalier, achat d'un studio dans le 16e arrondissement de Paris, d'un autre appartement pour l'une de ses maîtresses, rénovation de celui de son ex-femme, des bijoux, des voitures, des billets d'avion. Deuxièmement, l'achat et la restauration du château d'Ortie en Sologne pour recevoir des cadres africains bénéficiant de formations et de séminaires. Des cadres qui ne viendront jamais pour la plupart. Coût total de l'opération, 3 millions et 300 000 francs. Une transaction qui met en cause une seconde association nommée Promotion Française, dont la présidente est Marie-Danielle Baisson, sous-préfète et conseillère de Lucette Norbert, une médium. Troisièmement, peut-être le plus grave, certaines dépenses sont en lien direct avec des activités politiques, celles de Christian Nucci, l'ancien ministre. De fausses factures auraient été établies pour le financement d'affiches électorales lors de la campagne des législatives en mars 86, puis des dépenses faramineuses pour la réception de dignitaires africains dans une villa Beaurepaire. Et enfin, le règlement de ses cotisations au Parti Socialiste qui serait passé par un compte qu'il aurait en commun avec son chef de cabinet Yves Chalier. La plupart des justificatifs de paiement sont paraphés avec la signature de Christian Nucci. Mais Yves Chalier sait que la Cour des comptes enquête et depuis plusieurs jours, il essaie de gagner du temps. Il traverse Paris les archives de l'association sous le bras pour s'en débarrasser. D'abord, il se tourne vers son camp, le Parti Socialiste. Il a un premier rendez-vous avec Guy Pen, le conseiller spécial pour l'Afrique de François Mitterrand, à qui il explique les problèmes budgétaires du sommet de Burundi et la comptabilité douteuse de l'association. Et il lui propose de lui remettre les archives de la dite association. Guy Pen refuse. Il se tourne alors directement vers le président de la République. Oui, il réussit à obtenir un rendez-vous avec François Mitterrand, à qui il explique tout. Il va même jusqu'à montrer la R25 blindée stationnée dans la cour du palais qui a été payée par le Carrefour du Développement. Et il finit par lui demander de bloquer l'enquête de la Cour des comptes. François Mitterrand n'en revient pas. Il n'a jamais entendu parler de cette association et renvoie Yves Chalier sur le champ. On imagine le froncement de sourcils. Chalier comprend qu'il est lâché. Du coup, le 21 avril, il finit par se présenter au cabinet de Michel Aurillac. L'ambiance est quelque peu tendue. Yves Chalier propose de donner les archives au nouveau ministre qui sent le coup venir et refuse à son tour. Il l'invite à les remettre au siège de l'association ou à la Cour des comptes. Va pour l'association. Mais curieusement, dans la nuit du 22 au 23 avril 1986, le dossier disparaît des bureaux du Carrefour du Développement. Un cambriolage, semble-t-il. Enfin, un cambriolage sans trace d'effraction. C'en est trop. Michel Aurillac porte plainte contre X, tout comme la présidente de l'association Michel Bretanacquet. C'est le juge d'instruction Jean-Pierre Michaud qui prend l'enquête en main. Tous les regards se tournent vers Yves Chalier. Mais celui-ci a mystérieusement disparu depuis plusieurs jours. Puis c'est au tour de Christian Nucci, l'ancien ministre, d'être suspecté. Mais celui-ci se défend de toute implication. Écoutez, à la suite d'un certain nombre d'éléments d'information, des plaintes ont été déposées, il y a une procédure judiciaire. Comme je l'ai dit récemment dans un communiqué, il faut que les deux procédures se poursuivent, qu'elles aillent jusqu'à leur terme. Je m'en tiens là pour le moment. Autrement dit, vous demandez que la justice aille jusqu'au bout? Absolument. La justice doit aller jusqu'au bout, doit faire la lumière sur l'ensemble de cette affaire. Bien, alors comment se fait-il que jusqu'à présent, vous n'ayez pas voulu réagir à part de communiquer? Pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a une procédure et qu'il faut laisser les procédures se poursuivre, qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles et qu'au terme de tout cela, nous avisions. Et cela dit, comme votre chef de cabinet comme vous, il était difficile de vous joindre. À moi? Écoutez, j'étais dans le département, on m'a vu dans des tas de manifestations, dans des comices, confidence pour confidence, je continue à prendre mon café tous les matins au café central à Beaurepaire. Donc Christian Nucci n'a pas perdu son appétit, il n'a pas disparu, mais son ami le trésorier de l'association Carrefour du Développement, Yves Chalier, est lui toujours introuvable, de même que les dizaines de millions de francs qui se sont mystérieusement évaporés. Commence alors entre Yves Chalier et Christian Nucci une lutte à distance. Le premier à porter l'estocade, c'est Chalier, qui envoie un document de curieuse nature. 13 pages, manuscrites, rédigées à la troisième personne, sans signature, et qui est glissée directement dans la boîte aux lettres personnelles du ministre Michel Aurillac par un intermédiaire. Que contient ce document? Rien de moins que les confessions de l'ancien chef de cabinet Yves Chalier. Il raconte tout. Insiste sur le rôle de Christian Nucci dans l'affaire, détaille précisément son train de vie, ses dépenses ministérielles et son intimité même. Le rapport se conclut par une attaque particulièrement dure envers son ancien patron. Les deux plus grandes préoccupations de Nucci étaient le sport et les femmes, dit-il. Et ce n'est pas tout. Il met en cause Guy Pen et aussi plusieurs membres de l'association, dont la présidente Michel Bretanacquet. Michel Aurillac s'empresse d'en donner copie à Jacques Chirac et confie le document à la police judiciaire qui lance un mandat d'arrêt international contre Yves Chalier. De son côté, Christian Nucci, qui a entendu parler du dit document par voie de presse, fait sa première apparition télévisée depuis le début de l'affaire et nie tout en bloc. D'entrée de jeu dans cette affaire, on a voulu accréditer la thèse selon laquelle des fonds auraient été reversés directement au Parti Socialiste. Là-dessus, les choses sont très claires. Il n'y a pas eu de fonds qui ont été versés depuis Carrefour du Développement au Parti Socialiste. Les choses doivent être claires. Vous m'accorderez de dire que c'est quand même pour le moins surprenant que ce document, qui selon ce que j'en sais d'après la presse, me concerne et concerne d'autres personnes, mais enfin, me concerne, ne m'ait pas été adressé, que je n'ai même pas été informé. Curieuse démarche de mon ancien chef de cabinet. Je m'interroge. Les Français aussi, à l'époque. Dans la foulée de la publication des extraits du fameux et fumeux document, Christian Nucci décide de porter plainte pour faux et usage de faux. Dans le même temps, le juge Michaud poursuit son enquête et les premières inculpations ont lieu. 4. Les premières concernent Marie-Danielle Baillisson et Lucette Norbert, autrement dit la sous-préfète et la voyante, toutes deux mêlées à l'affaire dans le cadre de l'achat du château d'Ortie via l'association Promotion Française. Ensuite, Joëlle Jaglin, hôtesse de l'air, retenue pour recel d'abus de biens sociaux. Elle a bénéficié des cadeaux d'Yves Chalier, une voiture et un appartement. Enfin, Daniel Rongeat, imprimeur de Beaurepaire, pour une histoire de fausses factures. Cette dernière inculpation est sans doute la plus importante des quatre, car elle démontre que le carrefour du développement ne servirait pas seulement les intérêts personnels d'Yves Chalier, mais impliquerait bien des ramifications politiques via le financement occulte de campagnes électorales. Peu de temps après ces inculpations, nouveau rebondissement. Le 26 juillet 1986, Le Figaro Magazine publie un entretien exclusif avec Yves Chalier, toujours en fuite depuis 3 mois. Interview réalisée au Paraguay par Jean-Pax Meffray. Elle est diffusée sur Europe 1, puis reprise par toute la presse. Chalier revient sur le système de subventions et des fausses factures. La dernière qui a été faite, c'était sur une étude. De quoi ? Une étude bidon. De quoi ? C'était sur des systèmes de comptabilité en Afrique, un truc comme ça. Elle était de 2 152 000 francs. Et elle a servi également à payer des affiches électorales. C'est bien simple, c'est l'entreprise Rongeat de Beaurepaire qui les a fait. R-O-N-J-A-T. Ça a été payé par le Carrefour. Ouais. Un chèque de Carrefour. Un chèque de la Promotion Française de notre association, parce que j'avais fait l'avance au Carrefour, on n'avait pas d'argent. Et ensuite, ça a été remboursé. Mais c'était par Carrefour que c'est passé. Les affiches étaient faites au niveau de, comment, de, du département de l'Isère, puisque c'était payé directement au type qui fabriquait les affiches. C'est Rongeur, le type. Hein. Il a même fait des factures, ça m'avait fait rigoler d'ailleurs, parce que habituellement on est discret dans ce genre de trucs. Il avait mis Christian Nucci debout, Christian Nucci je sais pas quoi. Alors même qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Yves Chalier continue de se dénoncer et d'entraîner dans son sillage plusieurs personnalités importantes de la gauche française. Autrement dit, les taux se resserrent. De son côté, le juge Michaud continue son instruction et les inculpations tombent en cascade. Le 9 octobre 1986, il place en détention l'ami d'Yves Chalier, Maggie Bacquin, dont la maison à Rambouillet aurait été financée par le Carrefour du Développement et qui a transmis un chèque de 1 300 000 francs à la femme d'Yves Chalier. Elle aussi est inculpée mais laissée en liberté. La détention de Maggie Bacquin, en revanche, va faire bouger les lignes. Et à l'automne 1986, l'affaire du Carrefour du Développement ouvre un nouveau chapitre, celui de l'affaire dans l'affaire. Coup de théâtre à Paris. Bonsoir. Principal accusé dans l'affaire du Carrefour du Développement, Yves Chalier s'est livré aujourd'hui à la justice. Il a été inculpé et écroué à la prison de la Santé à Paris. Comme il l'avait laissé entendre récemment, Yves Chalier, le principal accusé dans l'affaire du Carrefour du Développement, s'est livré à la justice aujourd'hui. Yves Chalier, ancien chef de cabinet de l'ex-ministre socialiste de la coopération Christian Nucci, est arrivé peu après 14h30 au palais de justice de Paris, en compagnie de son avocat et de plusieurs policiers en civil dont il avait demandé la présence pour assurer sa protection. Il a été conduit dans le bureau du juge d'instruction Jean-Pierre Michaud, chargé du dossier Carrefour du Développement. 2 heures plus tard, Yves Chalier sortait du bureau, menottes au poignet. Il a été incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Yves Chalier a été inculpé de faux en écriture publique, usage de faux, abus de confiance et vol. Quelques jours auparavant, Chalier avait accordé une interview au Point réalisée par Jean-Marie Ponto, notre invité. Interview dans laquelle il affirme détenir un document qui prouverait que ce sont bien les services secrets français qui ont organisé sa fuite. Lorsqu'il se livre à la justice, Chalier remet au juge Michaud un document dont on va beaucoup parler. Un vrai faux passeport. L'expression fera date. Et il explique que c'est la direction de la surveillance du territoire, la DST, qui le lui a remis alors même que la police française était à ses trousses. C'est au moment où l'affaire est rendue publique qu'il aurait rencontré Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Puis il se serait rapproché d'anciennes connaissances de la DST, notamment d'un homme, Jacques Delbois, qu'il avait rencontré lors du sommet de Bujumbura en 1984. Jacques Delbois, ancien chef des services de la DST, vient d'être nommé au poste de contrôleur général de la police. Selon les dires d'Yves Chalier, il aurait accepté de l'aider en organisant sa fuite au Brésil. De là, il l'aurait mis en contact avec un ancien hôtelier corse qui vivait à Rio à ce moment-là, qui aurait accepté de prêter un appartement au fugitif, puis lui trouver un emploi dans une société d'informatique. Une nouvelle vie, quoi. Selon Yves Chalier, cette aide serait un prêté pour un rendu, en fait. En échange de sa couverture, il devait donner des informations à charge contre Nucci, d'où l'envoi du document manuscrit au ministre Michel Aurillac. Yves Chalier aurait donc été retourné et manipulé à des fins politiques. Le 2 décembre 1986, le juge Michaud inculpe Jacques Delbois. Seulement, dans le même temps, le directeur de la DST oppose le secret défense au juge d'instruction. Tous les regards se tournent alors vers le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, qui légitime l'emploi du secret défense, cette arme de protection massive. Ça vous demanderait à monsieur le juge d'instruction, il m'a écrit, je lui ai répondu. Il m'a demandé si je considérais comme légitime le fait que le directeur de la DST ait opposé le secret défense, la notion de secret défense, à certaines questions qui lui étaient posées. J'ai répondu au juge d'instruction qu'effectivement cela me paraissait légitime. Donc les informations publiées sont des rumeurs ? Ah ben, ça me paraît ne pas être seulement des rumeurs, ça me paraît relever du dénigrement et de la diffamation. Alors, ça m'ennuie, je ne voudrais pas que les relations que j'ai avec la presse se fassent uniquement par l'intermédiaire du parquet de Paris. Mais si j'y suis contraint, je le ferai. Au début de l'année 87, ce vrai faux passeport devient l'affaire dans l'affaire du Carrefour du Développement et prend une tournure politico-judiciaire historique. Dans le sillage de la cohabitation, le dossier traduit en fait les dissensions, les coups bas portés par chaque camp, le tout amplifié par la perspective de la présidentielle prévue dans un an. Et Jacques Chirac vient au secours de Charles Pasqua, cité dans cette histoire de faux documents d'identité remis à Yves Chalier. Le ministre de l'Intérieur que vous avez cité a dit ce qu'il avait à en dire. Je sais qu'il a dit ce qu'il devait dire, je lui fais toute confiance, et je puis vous dire que ça me laisse dans un état de sérénité parfait et que ça ne peut en aucun cas m'empêcher de faire quoi que ce soit. Trouvez-vous donc banal ou mineur le fait qu'au ministère de l'Intérieur, on ait un jour délivré un vrai faux passeport à quelqu'un qui était recherché par la justice afin de l'aider à se réfugier à l'étranger pour se mettre à l'abri des poursuites de celle-ci? Vous en avez la preuve? Il semble que le juge d'instruction l'ait. Il semble. Attends, si... la justice est saisie, cher monsieur. Ne préjugez pas. C'est un peu facile. Moi, je pourrais dire des choses sur vous qui vous seraient probablement très désagréables, ce que je me garderais bien de faire, en tous les cas, tant que j'en aurais pas la preuve. Alors respectez également la justice et son cours, et respectez votre prochain. Si je pose la question, c'est parce que cette question elle-même a été posée par un juge d'instruction à un ministre. Comment le savez-vous? Mais comment le savez-vous? Il y a en France le secret de l'instruction. C'est pas parce que quelques journaux mènent des campagnes de diffamation à des fins politiques de déstabilisation qu'il faut automatiquement prendre ce qu'ils disent pour argent comptant. Ambiance. À gauche, on accuse Charles Pasqua. À droite, on continue d'attaquer l'ancien ministre socialiste Christian Nucci. Et pour cause. Après plusieurs mois d'enquête, 12 inculpations, de nombreuses auditions et surtout le retour d'Yves Chalier et ses déclarations explosives, le juge Michaud transmet le dossier Nucci au parquet. Le magistrat estime avoir accumulé les charges suffisantes pour une inculpation de Christian Nucci. Mais vu son statut à l'époque des faits, seule la haute cour de justice peut statuer. La justice des hommes est une grosse fille qu'on aperçoit toujours la balance à la main. Telle une poissonnière qui pèse les anguilles, raide comme son nom devant les citoyens. Si seulement elle avait un peu plus de sagesse ou la bonté gouailleuse, les femmes du vieux port, je ne craindrais pas tant cette triste maladresse qui arme le tricheur en dépit de ses torts. La justice des hommes est une lourde fille qu'on aperçoit toujours le glaive dans la main. Telle une charcutière qui débite la vie en tronçon régulier, enrobé d'un certain. Si seulement elle avait une lame précise ou la bile tranchant des marchands de Paris, je ne craindrais pas tant de voir des mines grises jugées irresponsables ou blanchies par sursis. La justice des hommes est une pauvre fille qui n'y comprend plus rien et qui perd la raison. Parfois elle distribue la mort ou bien des grilles et pour le même cas proclame son pardon. Si seulement elle avait au creux de sa balance des hommes avec un cœur et moins de compromis, la justice des hommes pourrait, du moins je pense, progresser de mille ans comme au temps de Saint-Louis. Ma liberté finit où la vôtre commence, mais la mienne commence où la vôtre finit. C'est donc devant la haute cour que le 30 avril 1987, le parquet ouvre une procédure confirmant les délits reprochés à Christian Nucci. La haute cour est une procédure rare et complexe. Elle est composée de députés et de sénateurs. Pour que le dossier soit mené devant cette instance, il faut qu'une majorité vote pour dans les deux assemblées. Deux fois seulement depuis 1958, la haute cour a été saisie. La première pour condamner un ancien ministre de Vichy, la seconde, qui n'avait pas abouti, contre Michel Poniatowski après l'assassinat de Jean de Broglie. L'affaire judiciaire prend ouvertement un tournant politique. Tout doit se jouer à l'Assemblée. Alors d'un côté comme de l'autre, on cogne. Pour la gauche, c'est Christian Nucci doit se retrouver face à la haute cour, Charles Pasqua aussi. Jack Lang, par exemple, monte au créneau. Pourquoi M. Pasqua protège-t-il l'homme, un collaborateur personnel de M. Pasqua, qui a délivré un faux passeport au véritable coupable de cette affaire, M. Chalier? Pourquoi M. Pasqua invoque-t-il le secret défense? Et puisque le RPR entend poser toute une série de questions, à mon tour, j'en pose une autre. Laquelle? Laquelle? D'où vient aujourd'hui l'argent qui coule à flot dans les caisses du RPR et de l'UDF? Peut-on fournir aux Français des garanties que les privatisations, à l'occasion desquelles les groupes repreneurs sont choisis par le gouvernement, on s'éloigne du sujet, ne récompensent pas par ailleurs les cadeaux qui leur sont faits? Rien n'y fait. Le vote va bien avoir lieu le 8 octobre 1987. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du Carrefour du Développement, notre invité Jean-Marie Ponto, auteur d'un livre intitulé « Enquête sur un carrefour dangereux », nous le retrouvons dans quelques minutes. Octobre 1987. À l'Assemblée, Christian Nucci prend la parole pour se défendre. L'ambiance est pesante dans l'hémicycle. Tous ont conscience de vivre un moment très particulier, en un mot, historique. Je ne peux pas accepter, vous ne pouvez pas accepter, pour l'honneur du Parlement, de prendre une décision qui reposerait sur des éléments tronqués. Il ne faudrait pas confondre justice et précipitation. À moins que cette précipitation ait des motivations auxquelles la justice est étrangère. Ce n'est pas une mise en accusation que vous allez voter, mais bel et bien une accusation dont vous porterez pour toujours l'entière et surtout l'individuelle responsabilité. J'en appelle à votre conscience. Sans succès. Une alliance tout à fait extraordinaire qui va de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche en passant par les gaullistes et les giscardiens vote pour la comparution de Christian Nucci devant la haute cour de justice. La gauche qui brandissait son exigence morale voit l'un des siens jugé en haute cour. Celle-ci rend son rapport le 19 février 1988. Elle inculpe l'ancien ministre pour faux en écriture publique et privée, usage et soustraction de fonds par dépositaire public. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Une nouvelle donne vient changer quelque peu le paysage politique. En mai 1988, François Mitterrand est réélu président de la République et la gauche récupère Matignon. Dès lors, dans cette affaire, les socialistes reprennent l'avantage sur la gestion des dossiers. Tout d'abord, Pierre Joxe, nouveau ministre de l'Intérieur, lève le secret défense imposé par Charles Pasqua dans l'affaire du faux passeport. Ainsi, le 20 novembre 1989, le juge d'instruction chargé de l'affaire, Philippe Jeannin, reçoit le directeur de la DST, Bernard Gérard, qui lui avoue que le passeport et le permis de conduire ont bien été fabriqués sur ordre de Pasqua, oui, car il y avait aussi un vrai faux permis de conduire. Deuxième temps, le 7 décembre 1989, l'Assemblée nationale vote une loi d'amnistie sur le financement des partis et des campagnes politiques. Miracle pour Christian Nucci, dont le dossier se retrouve tout à coup vidé, puisque les principaux griefs retenus contre lui étaient justement liés au financement occulte de sa campagne pour les législatives de 1986. La Haute Cour de justice rend donc un non-lieu sur le dossier de l'ancien ministre. Voilà, rideau. Pas sûr. Car il reste le cas Chalier, Yves Chalier, qui, lui, est toujours dans l'attente de son procès. Yves Chalier sera jugé par la cour d'assises de Paris. L'ancien directeur de cabinet du ministre de la Coopération, Christian Nucci, comparaîtra pour sa participation présumée au scandale politico-financier Carrefour du Développement. Le renvoi aux assises a été prononcé hier par la chambre d'accusation. Maître Xavier Deroux, un des avocats d'Yves Chalier, pense que la cour d'assises est un bon moyen de s'expliquer. Ordinaire pour le ministre et la justice, ordinaire pour son subordonné, mais après tout c'est peut-être très bien comme ça, puisque Yves Chalier, qui ne bénéficiera pas de l'amnistie dont a bénéficié son patron, pourra s'expliquer devant la cour d'assises et nous aurons enfin le vrai procès du Carrefour du Développement en public. On sait très bien quelles sont les pompes à finances des partis politiques, nous verrons quels sont les shadocks et comment ils pompaient. Le 23 mars 1992, après 6 ans d'instruction, s'ouvre enfin le procès de l'association du Carrefour du Développement. Sur le banc des accusés, 4 personnes. Yves Chalier, bien sûr. René Triot, le chef de service des dépenses du ministère, accusé d'avoir un peu trop fermé les yeux. Philippe Leroy, PDG de l'entreprise de transport Socotra, impliqué, grand fournisseur de fausses factures. Et Marie-Danielle Baillisson, présidente de l'association Promesses Françaises. Comble de l'ironie, côté parti civil, se retrouvent Christian Nucci et Michel Bretanacquet. Finalement, seuls Yves Chalier et Philippe Leroy seront respectivement condamnés à 5 et 2 ans de prison. Puis au printemps 1994, Yves Chalier et Jacques Delbois sont jugés en correctionnel pour l'affaire dans l'affaire, le vrai faux passeport. Jacques Delbois est condamné à 4 mois de prison avec sursis, tout comme Yves Chalier, à qui l'on reproche l'utilisation du document trafiqué. Quant à Christian Nucci, c'est en espèces sonnantes et trébuchantes que l'affaire du Carrefour du Développement va se rappeler à lui. La Cour des comptes lui présentera la facture, une vraie celle-là, 1 million de francs. Fin 1996, un projet de loi du gouvernement finit par contraindre les deux hommes, Christian Nucci et Yves Chalier, à rembourser respectivement 20 millions et 1 million et demi de francs. La boucle est bouclée, on a retrouvé l'argent disparu des caisses du Carrefour du Développement. Plusieurs années d'enquête, des rebondissements, un vrai faux passeport, des fausses factures, des soupçons de financement occulte de campagne électorale, une loi d'amnistie, ça ne vous rappelle rien? Toutes ces affaires qui réunissent les mêmes ingrédients et qui depuis gangrènent la vie politique et font le lit du tous pourri, un éternel recommencement. Faire monter vos bières, un jour vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères, et un amas. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes, un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Y'en a en même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres on compte vos secondes. Y'en a c'est charmant et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements et à la mort. Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société c'est pas de la tarte et à la mort. Mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Y'en a marre, y'en a Affaire sensible sur France Inter aujourd'hui, l'affaire du Carrefour du Développement. Notre invité Jean-Marie Ponto, bonjour. Bonjour. Alors vous avez suivi cette affaire dès le début et de très près, on va le voir. Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler sur cette histoire? Et puis, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ces archives qui vous ont renvoyé à une période où vous avez enquêté très fort, hein? C'est très impressionnant, parce que c'est un souvenir très très fort, parce qu'on a eu... D'abord, on a un peu été à l'origine d'une affaire d'État avec l'affaire du passeport, je vais vous raconter, mais... C'est vrai qu'on a jamais, on a eu des activités journalistiques qu'on n'a jamais fait puisqu'on a caché Chalier pendant longtemps et on a produit le faux passeport. Donc quand même de revivre tout ça est assez exceptionnel. Dès que Chalier on a su que Chalier avait disparu, donc on a connu l'affaire, comme vous l'avez tout à fait bien raconté, et on a cherché Chalier. On se disait, où est-ce qu'il est passé? Pour trouver Chalier, on s'est approché, on a réussi à rencontrer sa compagne, donc Maggie, on est devenu amis avec elle, et elle nous a avoué qu'il était parti au Brésil. Elle l'a contacté, il voulait pas rencontrer de journaliste, c'était pas possible. Là-dessus, on continue à voir Maggie, et puis Maggie est arrêtée par le juge. Non, le juge, probablement, pour faire un chantage, pour faire revenir Chalier. Heureusement, parce que c'est investigation, c'était un grand travail. On était amis avec une autre amie de Chalier, qu'on a contactée, et qui, elle, avait encore le contact avec Chalier. Et un jour, donc, elle lui dit... Ah, voilà, quand vous dites on, c'est avec De Rogier? C'est avec De Rogier, à ce moment-là. Jacques De Rogier. Et donc, à ce moment-là, on a un contact par lui, et il finit par dire, ben, écoutez, d'accord, je suis d'accord, ils peuvent venir m'interviewer au Brésil. Bon. Et donc, là, à ce moment-là, j'étais passé au point, je me prépare pour partir, je dis au journal, il me faut un passeport, il me faut de l'argent, il faut voilà, partir là-bas. Et on a un rendez-vous, je me souviens toute ma vie, le 1er novembre 1986, place d'Auteuil. Et on attend de partir, l'intermédiaire qui va nous conduire. Et je vois débarquer Chalier, tranquille, avec sa serviette. Alors que la police le recherchait. Alors que toute la police le recherchait. Il arrive directement du Brésil, via Genève, et il est apparemment très paisible. Alors on est un peu estomaqué, on l'amène dans un... Il n'a rien prévu, s'il débarque comme ça, comme une fleur. On l'emmène dans un appartement d'un ami, ça, et puis on commence à parler avec lui. Et il nous raconte d'abord, l'affaire du Carrefour Développement, comment effectivement, pourquoi il a été obligé de détourner, enfin d'utiliser cet argent parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire ce sommet, que l'association servait à ça, parce que Mitterrand avait décidé, Bujumbura, Bujumbura, il n'y avait rien. Donc il a fallu créer une association pour payer, donc il y a l'argent. Il nous raconte aussi un peu comment il a utilisé cet argent pour lui, mais un petit peu pour lui, comme ça, parce qu'il voyait passer des valises de billets, donc à un moment donné, il avait un peu quand même pété les plombs. Et puis surtout, il nous dit, ben voilà, je suis parti au Brésil parce que c'est la droite, c'est un membre du cabinet, un policier, qui m'est Pasqua, qui m'y a envoyé, pour que je dénonce les agissements de la gauche. Voilà. Je lui dis, enfin, vous êtes très gentil, mais c'est énorme votre histoire, vous avez une preuve? Je lui dis, mais bien sûr, j'ai une preuve. Et il me sort un passeport, flambant neuf, très beau, magnifique, au nom de Yves Navarro, et un permis de conduire. Il me dit, c'est le cabinet de Pasqua et le commissaire de Lebois qui me l'a donné, qui est un ancien de la DST. Là, on est quand même assez sidéré. Et c'est un vrai faux, ce qu'on appelle un vrai faux dans les services. C'est-à-dire, qui sont des passeports anonymes qui peuvent servir, que possède en blanc la DST pour les agents spéciaux. Qui va devenir une expression de la langue française. Je me souviens qu'on a dit comment on va appeler ça. On s'est dit, on va appeler ça un vrai faux passeport. On aurait dû, mettre un truc là-dessus, on aurait gagné l'argent. Droit d'auteur, on aurait gagné l'argent. Et donc, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, écoutez, je vais faire une interview, je vais tout vous raconter, et après, je me rendrai. Bon. Et donc, surréaliste, tous les deux jours, on le change d'hôtel, on l'amène à l'hôtel. Vous l'avez caché, en gros. On le cache, voilà. Alors, on sait qu'on a la police, mais on se dit, il faut faire cette interview. On finit par faire cette interview au journal, où on la fait dans une pièce où on se met en bras de chemise pour faire croire qu'on est au Brésil. C'est-à-dire, on enlève cravate, les chemises ouvertes, tout ça. Et il y a un journaliste qui va remarquer que les serrures, en agrandissant les photos, que les serrures sont des serrures françaises. Et là, il raconte tout. Il dit, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi on m'a donné ce faux passeport, pourquoi on m'a exfiltré. Et puis après, le problème, c'est qu'il veut. Il hésite à se rendre. Il hésite à se rendre parce qu'il n'a pas envie d'aller en prison. Donc au bout d'un moment, parce qu'un jour on est dans une rue, il y a une voiture qui arrive contre nous, on est garé, je me dis ça y est, on va tous aller en prison. Et le type me dit, est-ce que vous donnez la place ou pas? Et donc je lui dis, écoutez, maintenant, il faut ou vous vous rendez ou vous partez, mais on peut pas continuer comme ça. Entre-temps, j'ai été interrogé par la police financière qui veut savoir d'où ça vient. Et je lui dis, on va tous finir en prison. Et surtout, ça, il faut mieux qu'il se rende lui-même. À ce propos, tentative de violation des sources de journalistes, j'imagine, ou pas? Comment on vous traite? Non, pas physiquement, évidemment, mais comment on vous traite par rapport aux sources? Parce que c'est un de nos problèmes aux journalistes, ouais, de garder les sources. À l'époque, ça s'est pas trop mal passé. Faut dire, moi, je suivais bien les affaires policières. Je connaissais un peu les responsables de police. Et donc, si vous voulez, le patron de la brigade financière avait été assez courtois. Il m'avait dit, mais comment vous avez eu ça? Je lui dit, c'est une interview qu'on a fait au Brésil. Il avait l'air extrêmement sceptique. Par bonheur, il ne nous a pas fait suivre. Sans ça, ça aurait très mal abouti. Et donc, finalement, on arrange, grâce à l'avocat, le rendez-vous où Chalier doit se rendre. Je me souviens très bien, parce que le matin, il a voulu prendre un petit déjeuner à Bagatelle, et il y avait la une, sa photo dans France Soir, partout, et personne ne l'a reconnu, et on l'a amené à l'hôtel intercontinental, où il a été arrêté par la police. Voilà. Ça, c'est l'épisode... Moi, j'ai jamais fait ça dans la vie. C'est la première fois qu'on fait ça, mais c'était un scoop formidable. Ah bah ça valait le coup de le raconter. Vous avez vécu quelque chose de fort. Alors, on va revenir sur le fond de l'affaire et sur sa dimension morale et politique. Alors, la gauche, avant de se frotter au pouvoir, disait, bah, finalement, la gauche, c'est la morale. Bon. Et puis, la gauche fait l'apprentissage de l'exercice du pouvoir et de ses coulisses moins recommandables. La preuve. On va écouter ensemble une déclaration de Laurent Fabius en 1985. Donc, il est Premier ministre depuis 1984. Il donne sa définition de la gauche par rapport à une référence que je vous laisse écouter. Il y a quand même deux ou trois grands principes qui séparent la gauche et la droite. Premier principe, égalité des chances. Deuxièmement, solidarité. Et alors, troisièmement, là c'est plus complexe et j'hésite presque à en parler, dans l'action qui est la nôtre, il y a une certaine recherche d'exigence morale. C'est très difficile. Et pas chez vos adversaires ? Je ne veux pas dire du tout que l'ensemble des électeurs de droite ne partagent pas cela, ce serait complètement erroné. Mais quand je parle des dirigeants de droite. Il y a des dirigeants de droite qui partagent tout à fait cette idée-là. Mais quand je regarde, si vous voulez, les tempéraments plus profonds d'eux-mêmes, je crois que égalité des chances, solidarité, exigence morale, ce sont trois éléments qu'on retrouve vraiment au plus profond de la gauche et qui peuvent, bien sûr, rassembler beaucoup d'autres gens qui ne sont pas de gauche. Alors évidemment, les faits ultérieurement ont démenti Laurent Fabius. Est-ce que le manque de morale est consubstantiel de l'exercice du pouvoir ? Apparemment oui. Apparemment oui. Il y a deux choses terribles dans cette affaire pour les images de l'homme politique. D'abord, effectivement, c'est le fait qu'on a l'impression, comme c'est la cohabitation, que et la droite et la gauche ont chacun fait des magouilles, et qu'ils ont fait chacun des magouilles pour essayer de retourner cet homme, la gauche faisant des magouilles en détournant de l'argent, la droite en essayant de récupérer cet homme pour le planquer, pour le faire parler. Mmh. Et puis, il y a quelque chose, à mon avis, qui est une conséquence de cette affaire et qui est encore peut-être plus grave, ce sont les lois d'amnistie. Parce qu'il a fallu deux lois d'amnistie, et qu'on appelle des lois Nucci, parce que la première de 1988 n'impliquait pas les crimes. Or, ce qu'avait fait Nucci était un crime. Donc il a fallu la loi de 1990. Donc on a fait deux lois d'amnistie qui sont des lois sur mesure pour donner l'apparence et la réalité que les hommes politiques échappent à la loi. Et ça, ça a eu un effet dévastateur sur la gauche. Ça a été repris très très longtemps. Et il a fallu très longtemps pour qu'on arrive à revenir sur ces lois d'amnistie. C'est une matrice des affaires politico-judiciaires qu'on a connues après. Oui, parce que c'est la première. Enfin, il y avait quand même l'idée qu'effectivement la gauche n'allait pas faire la même chose, si vous voulez. Et cette idée de détournement d'argent, qui d'ailleurs, on voit bien comment ça s'est passé. C'est un enchaînement. Il a fallu Mitterrand dit, moi, je veux que ce soit là. Il y a rien qui est fait là, donc il faut trouver cet argent. Donc on crée une association. En plus, il faut se dire qu'à l'époque, le ministère de la coopération est entièrement tenu par l'Élysée, complètement. Parce qu'on a écarté Cotte, vous savez, qui avait fait des choses bizarres. Donc la gauche reprend en main les affaires africaines. Et Nucci, c'est un fantoche. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas un instrument. C'est un instrument, voilà. Et Chalier. Et donc, ils mettent en place cette espèce d'instrument baroque. Et l'argent coulant à flot, effectivement, il y a ce qu'on appelle du détournement en ligne. La perte en ligne, comme on dit. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, et au lieu de dénoncer ça, la gauche ne fait rien s'il n'y a pas la cohabitation. Cette affaire est enterrée totalement. Il est sûr que le rapport de la Cour aurait complètement disparu. La Cour des comptes aurait disparu. On n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Donc la droite le ressort, mais il le ressort pour monter un coup encore plus extravagant, qui est d'envoyer cet homme chez des Corses qui s'occupent des jeux au Brésil et qui vont retourner et faire avouer affaire. Donc on a effectivement une image, première image terrible, que la magouille est installée dans les deux camps. Et ça va être terrible. Surtout, effectivement, pour l'image de la gauche, qui à l'époque était très très bonne. Enfin, il y avait l'espoir de 80. My heart goes up, my heart goes down. We fall in love, and we fall back out. I'll give you anything. Anything you want, anything, anything, just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Vous faites quoi? Comment vous continuez? Alors, une fois que Chalier se rend, et on connaît la suite. Ben quelle est votre contribution à l'enquête, vous, en tant que journaliste, bien sûr? Ben, si vous voulez, après, on a publié tout ce que nous avait raconté Chalier, et Dieu sait s'il nous avait raconté des choses, y compris ce qu'il avait fait au Brésil, où il était avec des Corses qui étaient spécialisés dans les jeux, avec la police locale. Enfin, il nous a vraiment raconté ces choses-là. Et puis, on a continué à enquêter sur l'origine du faux passeport. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable que vous avez raconté, c'est que on a décidé qu'il y avait un secret défense. On a appliqué le secret défense au commissaire Delebois, alors que quand même, c'était un commissaire qui avait donné un faux passeport, qui était considéré comme un escroc pour partir à l'étranger. Ce qui est aujourd'hui assez, enfin, aujourd'hui, je pense que le juge leverait le secret défense. Moi, j'en avais parlé avec le directeur de la DST de l'époque, qui m'a dit, oui, on m'a demandé un faux passeport en blanc. Et c'est le cabinet du ministre qui me l'a demandé. Et moi, je ne savais pas à quoi ça servait, mais c'était un ordre. Donc, je l'ai donné. Quand j'ai vu ce que c'était, à quoi ça avait servi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et le cabinet a dit, vous êtes protégé, vous êtes couvert par le secret défense. Et là, c'est quand même une énormité, quand même. Parce que finalement, Nucci, effectivement, a échappé au cours de justice, et le seul qui a pu pour casser, c'est ce malheureux, il était certainement coupable, mais c'est quand même Yves Chalier qui a fait un an de prison, parce qu'en plus, personne ne voulait le libérer, parce que ni à droite ni à gauche, ne voulait qu'il sorte. Donc, il a fait un an de préventive, et puis, il a fini par sortir, mais je crois qu'il a fait quand même, il a été condamné à 5 ans, ce qui était quand même considérable. C'est pas un vrai faux fusible, hein. C'est un vrai fusible. Absolument. Non, c'était, vraiment. Et là, moi, je trouve que en plus, l'application de la suite de l'affaire, la façon dont elle a été cachée, protégée, couverte par l'État, la déclaration de Jacques Chirac est formidable. Parce que c'est qu'on a entendu tout à l'heure, c'est extraordinaire. Hein. Il sait évidemment tout à fait bien ce qui s'est passé, Pasqua aussi, il en rigolait quand même. Donc on est dans des méthodes de barbouze qui sont dignes de la après-guerre, enfin des méthodes de la guerre d'Algérie. Alors justement, on va écouter une dernière archive, c'est Pierre Jox qui parle, qui succède à Charles Pasqua quand François Mitterrand est réélu. Alors, il révèle ce que Charles Pasqua, dit ce que Charles Pasqua lui aurait dit, pourtant j'y étais pas, vous non plus, lui aurait dit au moment de la prestation de pouvoir, place Beauvau, à propos de cette affaire dans l'affaire. Il n'y a pas de vrai faux passeport, tout le monde sait qu'un faux passeport a été fait à la demande de Monsieur Pasqua pour Monsieur Chalier. Pour quelle raison? Il a dit que c'était pour des qui sont couverts par le secret défense, ça n'a rien de secret, tout le monde le sait. Il a raison de dire ça. Ça n'a rien, bien sûr que non. Ça n'a rien à voir avec la défense. Vous avez accès au secret défense. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir avec la défense. Rien à voir avec la défense. Et rien à voir avec le secret, puisque tout le monde le sait. Pour des raisons obscures, politiciennes, une machination a été montée par M. Aurillac, qui a donné lieu à tout ce qu'on a appelé l'affaire du carrefour du développement. Oui. Des pillages, des détournements de fonds faits par un certain nombre de gens qui sont inculpés, donc je ne parlerai pas d'eux. Oui. Et puis, la machination politique contre Christian Nuxy et ses amis, et qui va avoir son aboutissement judiciaire, et on verra, les Français seront avec un peu de retard, à quel point il y avait là une machination politique. Alors là-dedans est intervenu à un moment donné M. Pasqua, il le regrette d'ailleurs, il me l'a dit. Il m'a dit, je me suis fait avoir comme un enfant de cœur. J'arrive pas bien à l'imiter, mais... Cet archive de Pierre Jox vaut le détour aussi. Hein. Oui, c'est possible d'ailleurs que le policier effectivement qui a monté l'affaire avait présenté ça sous un jour favorable à Pasqua. Mais vous savez, quand on voit dans l'histoire, très peu de temps après, la gauche va retomber dans une autre affaire de faux passeport, qui est l'affaire du Rainbow Warrior, vous savez, l'attentat. Ah oui. Et on va en a parlé ici dans l'affaire sensible. On va donner à des agents de la DGSE deux faux passeports de Suisse. Donc les faux passeports n'ont pas porté chance au pouvoir de gauche. Alors, tout de même, Chalier, c'est quelqu'un d'intelligent, cultivé, il vient de Saint-Cyr, le lieutenant-colonel, enfin, il a la tête sur les épaules, c'est pas un type léger d'emblée. Pourquoi il va se fourrer là-dedans? Enfin, c'est un homme qui était très sérieux, parce qu'il a fait Saint-Cyr, il était lieutenant-colonel, il devient donc chef de cabinet, il a été au ministère de la Défense, je crois, avant, il devient chef de cabinet. Je crois que c'est la folie de l'argent, si vous voulez. Il amène lui-même, il faut quand même se rendre compte que comme on peut pas fournir officiellement cette réunion africaine, il faut trouver des systèmes. Donc le Carrefour fait des fausses factures pour des sociétés, mais alors pour des choses même assez agréables, pour du matériel médical, évidemment tout ça n'existe pas. Donc l'argent est rendu en liquide et Chalier va lui-même au Burundi avec accompagné par les policiers où il transporte des valises de billets et beaucoup de valises de billets, ça a coûté 80 millions je crois. Donc ils ont apporté 80 millions de francs. Donc je crois qu'il est pris de folie. Moi, je l'ai bien rencontré. Il est pris de folie. À force de voir ses billets, il finit par effectivement acheter un studio à une amie, puis à acheter un château à une femme qui lit l'avenir, puis à lui-même s'acheter un studio. Je crois qu'il y a une espèce de, vous savez, de prise de folie de l'argent, d'autant plus qu'il a le sentiment qu'il est couvert. Il a tellement le sentiment qu'il est couvert, comme vous le dites, c'est qu'il va, il nous l'a raconté, il va rencontrer François Mitterrand. Et il dit à François Mitterrand, écoutez, il faut me couvrir. D'ailleurs, la voiture blindée que vous avez là, que vous utilisez, c'est celle qui a servi à Bujumbura. Il devait être foudrage, François Mitterrand. Ah, François Mitterrand. On imagine le visage qui a dû se fermer. Plus ça va, plus il se ferme et il devient livide. Et puis il a une espèce de colère froide. Il lui dit, en gros, sortez de mon bureau immédiatement. Mais je crois quand même qu'il va avoir une explication assez forte avec Nucci et avec Guy Penn, qui est le conseiller de l'Élysée. Donc je crois qu'il a pensé qu'il faisait ça dans l'intérêt de l'État. Et puis bon, bah, il se trouvait dans ces affaires comme ça, quand on voit tellement d'argent, bah, vous savez, c'est la faiblesse des hommes. Oui, il y a une espèce de malédiction également dès lors qu'il s'agit d'affaires françaises en Afrique. Hein. Oui. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié, et voilà, que notre comportement français en Afrique génère ce genre de choses. Oui, parce qu'il n'y avait aucune explication rationnelle de faire le sommet franco-africain, Bujumbura. Simplement, Mitterrand avait dit qu'il fallait une zone française, mais c'était aberrant, il n'y avait rien. Il a fallu faire une piste pour faire atterrir le Concorde. Donc, à Bujumbura, il n'y avait pas de piste pour le Concorde. Donc ça a coûté une fortune absolue. Ça, c'était effectivement la France par rapport à l'Afrique. Il y avait un côté fait du prince. François Mitterrand avait décidé que ce soit là. Ah, mais il avait mis le doigt là, il a dit ce sera là. Et donc après, vous vous débrouillez. Et je crois qu'on lui a dit, parce que mon roi qui était Premier ministre, lui a dit, monsieur le président, ça ne va pas être facile parce qu'on n'a rien. Il a dit, débrouillez-vous, ça c'est vos affaires. Moi, c'est pas les miens, vous débrouillez. On s'est débrouillé, on a fabriqué le Carrefour du développement. C'est quand même ça que ça s'est terminé en scandale d'État. Voilà, comme tout bon patron qui se respecte, hein, c'est difficile, mais débrouillez-vous. Faites comme vous voulez. À ces troupes. Jean-Marie Ponto, me reste à vous remercier. Merci pour votre témoignage passionnant et les coulisses aussi de ce métier de journaliste. Il faut passer quelquefois par des. Comme un schéma, et ça nous a beaucoup marqué. Ça m'a quand même beaucoup marqué dans ma carrière. Ouais. Enfin, ça s'appelle un scoop, hein, ce que vous avez sorti. Oui, c'était très. Non, c'était vraiment. Pour un journaliste. C'est moment, c'est moment. Sorte absolu, ça. C'est moment passionnant. Bravo pour le scoop d'Iag, donc une vingtaine d'années. Et merci pour vos témoignages, Jean-Marie Ponto. Au revoir. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, l'affaire du Carrefour du Développement, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également, et comme d'habitude, sur la page Facebook d'Affaires Sensible. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.